Conscience de Hector Malot. Troisième partie. Chapitre 1. Pendant ses premières années de séjour à Paris, Saniel avait publié dans une revue de jeunes du quartier latin un article sur la pharmacie de Shakespeare, le poison d'Hamlet, celui de Roméo et Juliette. Et bien que depuis son choix pour la médecine, il ne lut plus guère que des livres de science, il avait dû à ce moment étudier le théâtre de son auteur. De cette étude, il lui était resté dans la mémoire une phrase qui, pendant 10 ans, ne lui était jamais revenue sur les lèvres et qui tout à coup s'était imposée à son souvenir avec la persistance exaspérante d'un air entendu autrefois et qu'on répète, celle de Macbeth. Macbeth a tué le sommeil innocent, mort de la vie de chaque jour, bain du travail douloureux, baume des âmes blessées. C'est que cette phrase était la traduction d'un état particulier qu'il traversait. Lui aussi l'avait perdu, ce sommeil innocent, bain du travail douloureux, baume des âmes blessées. Jamais il n'avait été grand dormeur. En cela, au moins, il s'était imposé l'habitude, dure au commencement, moins pénible en continuant, de ne passer que quelques heures au lit. Mais ces quelques heures, il les employait bien, dormant comme les fatigués, poings fermés, sans rêves et sans réveil. Le côté où il se couchait était celui où il ouvrait les yeux, et la pensée qui occupait son esprit le soir, celle qu'il retrouvait la première le matin, n'ayant point été chassée par d'autres, pas plus que par des rêves. Après la mort de Cafier, ce sommeil tranquille et réparateur avait continué aussi calme, aussi solide. Mais voilà que tout à coup, après celle de Madame d'Amauville, il s'était trouvé interrompu. Tout d'abord, il ne s'en était pas tourmenté. Il ne dormait pas, tant mieux, il travaillerait davantage. Mais on ne peut pas plus toujours travailler qu'on ne peut rester toujours sans manger. Saniel savait mieux que personne que la vie de tout organe se compose de périodes alternatives de repos et d'activité. L'une pendant laquelle l'organe renouvelle sa provision de matériaux nutritifs, l'autre pendant laquelle il consomme ses matériaux dans le développement de forces vives. Et il n'imaginait pas qu'il pourrait travailler indéfiniment sans dormir. Seulement il croyait qu'après des journées de 20 heures de travail, écrasées de fatigue, il aurait malgré tout 4 heures de sommeil complet, celui que Shakespeare appelait le bain du travail douloureux. Il ne les avait pas eues, ces 4 heures, et la loi qui veut que tout état d'excitation prolongée amène un épuisement que doit réparer un repos fonctionnel, s'était trouvée faussée pour lui. Quand, après ses longues journées de travail, vers 1 heure ou 2 heures du matin, alors que tous les bruits de la vie avaient cessé dans la maison comme dans la rue, et que la lassitude se traduisait par l'inertie des muscles qui laissaient la tête s'abaisser sur la poitrine et les paupières sur les yeux brouillés, il allait se mettre au lit, marchant avec précaution, se déshabillant lentement et sans secousse, il s'endormait sans retard dans ses draps. Mais presque aussitôt, bien souvent, il se réveillait en sursaut, suffoqué, couvert de sueur, dans un état d'anxiété extrême, l'esprit agité par des hallucinations qu'il ne chassait pas tout de suite. Alors c'en était fait pour longtemps de son sommeil, malgré le besoin général qu'il en avait. Ou bien, si après s'être tourné et retourné sur son lit, il parvenait à se rendormir, ce n'était jamais du sommeil complet et profond qui était le sien autrefois. Quelques régions de son cerveau veillaient, et si leur excitation n'amenait pas le réveil brusque, elle produisait des rêves plus pénibles pour lui, car il s'en rendait compte, il les suivait, les examinait, sans pouvoir se détacher d'eux, s'en débarrasser, se réveiller tout à fait, leur jouet, leur victime. Et ils étaient affreux, ces rêves, toujours les mêmes, ne quittant Madame d'Amauville que pour le ramener à Cafier. N'était-ce pas curieux que Cafier, qui jusqu'alors avait été complètement effacé de son souvenir, mort comme il l'était réellement, s'était trouvé ressuscité par Madame d'Amauville, et cela la nuit seulement, spectre de l'ombre que le jour dissipait. croyant que l'une des causes de cette excitabilité du cerveau pouvait bien être le travail d'esprit qu'il lui imposait à doses excessives, à l'heure précisément où il aurait fallu ne pas prolonger cette excitabilité et au contraire l'engourdir, il avait décidé de changer un système lui ayant si mal réussi. Au lieu d'un travail intellectuel, il se livrerait à un travail matériel qui, par l'épuisement des fonctions musculaires, lui procurerait le sommeil des pauvres gens qui ont peiné toute la journée, manœuvres ou terrassiers, charretiers ou bûcherons, et comme il ne pouvait pas rouler la brouette ou fendre le bras, il s'était mis tous les soirs après son dîner à marcher droit devant lui au pas accéléré, faisant ses 7 ou 8 lieues avant de rentrer. Il aurait bien raison à coup sûr de ce cerveau rétif. Le travail corporel n'avait pas mieux réussi que le travail spirituel. Il avait pu se donner la fatigue des terrassiers et des bûcherons, non leur sommeil. Se mettant au lit, les jambes brisées, les pieds endoloris, affaissés par sa longue marche précipitée, il avait les mêmes réveils sursautés, les mêmes rêves douloureux qui l'affolaient et l'épuisaient. Décidément, la fatigue du corps ne valait pas mieux que celle du cerveau, et même elle valait moins. Devant sa table, plongé dans ses livres, ou dans son laboratoire courbé sur son microscope, il s'absorbait dans la tâche entreprise et par la force d'une volonté longuement exercée et soumise à l'obéissance, il parvenait à maintenir sa pensée appliquée sur le sujet imposé, sans distraction, comme sans rêverie. Le temps passait, mais quand il marchait par les rues de Paris, sur les routes désertes de la banlieue, à travers les champs ou dans les bois, le long de la Seine ou de la Marne, sa pensée libre courait où elle voulait. Il ne lui commandait pas, elle était la maîtresse, et toujours elle le ramenait à Madame d'Amauville, à Cafier, à Florentin. Il semblait que l'échauffement de la marche mettait en pression son cerveau, comme la chaudière d'une machine qui alors l'entraînait, sans frein possible, sans direction, vertigineusement. Quand il rentrait en cet état, après plusieurs heures de cette excitabilité cérébrale, comment eût-il trouvé le sommeil tranquille et réparateur, complet et profond, des pauvres gens qui n'ont fait travailler que leurs muscles? N'ayant jamais été malade, il n'avait jamais eu à s'examiner ni à se traiter. Bonne pour les autres, inutile pour lui la médecine. Avec une machine organisée comme la sienne, il n'aurait à craindre que les accidents, et jusque-là, il lui avait été épargné. En vrai fils de paysan qu'il était, il avait victorieusement résisté à la vie de Paris comme au surmenage de l'esprit. Mais le moment était venu de se livrer à cet examen et d'essayer un traitement qui lui rendit le repos. Il n'était point un médecin sceptique et il croyait bon pour lui les remèdes qu'il avait ordonnés aux autres. Le malheur était qu'il ne constatait en lui aucune des causes qui déterminent l'insomnie. Il n'avait ni méningite, ni encéphalite, ni rien qui annonçât une tumeur cérébrale. Il n'était point anémique, il mangeait, il ne souffrait pas de névralgie, ni d'aucune affection aiguë ou chronique qui accompagne généralement l'absence du sommeil. Il ne buvait ni café, ni alcool. Et sans cet état de surexcitabilité des centres encéphaliques, il eût pu dire qu'il était en bonne santé, un peu amaigri seulement, mais voilà tout. C'était cette excitation qu'il devait guérir, et comme il y a des remèdes classiques contre l'insomnie, il avait employé celui qui, semblait-il, devait convenir à son état. Mais le bromure de potassium, malgré ses propriétés hypnotiques, n'avait pas produit plus d'effet que le surmenage intellectuel ou physique. Son inefficacité reconnue, il l'avait remplacée par le chloral. Mais le chloral, qui après quelques jours d'usage devait créer une disposition particulière au sommeil, avait échoué tout comme le bromure de potassium. Alors il avait essayé les injections de morphine. Ce n'était point sans une certaine inquiétude qu'il en était arrivé à ce troisième essai, les deux premiers ayant si mal réussi. Et puisqu'il est acquis que le chloral produit un sommeil plus calme que la morphine, il semblait qu'il devait échouer encore. Cependant, il avait dormi sans être tourmenté par les réveils et les rêves qui faisaient l'épouvante de ces nuits si courtes. Et le lendemain, il avait dormi encore. Mais il connaissait trop bien les effets que produit l'usage prolongé de ces injections pour les continuer au-delà de ce qui était strictement indispensable. Il avait donc voulu les interrompre. Le sommeil l'avait de nouveau abandonné. Il les avait reprises, puis bientôt, comme les doses primitives perdaient de leur efficacité, il les avait graduellement augmentées. au bout d'un certain temps, ce qu'il devait craindre et ce qu'il craignait s'était réalisé. Il avait perdu l'appétit, la force musculaire, en même temps que l'énergie morale. Son visage pâle avait commencé à prendre l'expression si caractéristique des morphinomanes. Alors il s'était arrêté, épouvanté. Qu'il continuât, il devenait en effet un morphinomane dans un temps donné, et l'apathie dans laquelle il tombait l'empêchait de résister au besoin d'absorber de nouvelles doses de poison, besoin aussi impérieux, aussi irrésistible dans le morphinisme que l'est celui de l'alcool pour l'alcoolique, est plus terrible par ses effets. La perversion des facultés intellectuelles, la perte de la volonté, de la mémoire, du jugement, la paralysie ou la manie qui conduit au suicide. Qu'il ne continua point et ses nuits sans sommeil ou ses sommeils agités qu'il avait affolés reprenaient. Et à la suite revenait cette surexcitabilité du cerveau qui, en troublant la nutrition de la masse encéphalique, pouvait être le prélude de quelque affection cérébrale grave. D'un côté la manie par le morphinisme, de l'autre la démence par l'excitabilité constante et désordonnée du cerveau. Voilà ce qu'il attendait. Entre un résultat fatalement certain et un qui n'était que possible, il n'avait pas à hésiter. Il fallait renoncer à la morphine, et ce choix s'imposait avec d'autant plus de force que si la morphine assurait à peu près le sommeil des nuits, elle ne donnait nullement la tranquillité des jours, au contraire. Quand il avait commencé à user de ce remède, c'était seulement pendant la nuit qu'il tombait sous l'influence de certaines idées. Le jour, en s'appliquant au travail et en maintenant par un effort de volonté son application tendue, il échappait à ses idées. Il était l'homme qu'il avait toujours été, maître de sa force et de sa pensée. Mais l'action de la morphine n'avait pas tardé à affaiblir cette volonté jusque-là toute puissante, si bien que quand ses idées avaient, durant le jour, traversé son travail, il n'avait plus eu l'énergie nécessaire pour les chasser. Il essayait de les secouer. C'était vainement. Elles ne se laissaient point détacher de son cerveau auquel elles se collaient et qu'elles envahissaient avec une expansion foisonnante. C'est qu'en vérité, ces deux cadavres le gênaient horriblement. N'était-ce pas exaspérant pour un homme qui en avait tant vu et dépecé qu'il n'y en eût que deux qui fussent toujours devant ses yeux, même fermés, celui de ce vieux coquin et celui de cette malheureuse femme. Pour ne pas compliquer cette impression d'une autre qui l'humiliait, il s'était débarrassé des liasses de billets de banque pris chez Cafier en les envoyant comme restitution au directeur de l'assistance publique. Mais cela avait été sans effet appréciable. La pensée aussi de Florentin l'obsédait, et s'il voyait Cafier affaissé dans son fauteuil inondé de sang, Madame d'Amauville immobile et rose sur son lit, il ne lui était pas moins cruel de voir Florentin dans l'entrepont du transport qui bientôt allait l'emporter à la Nouvelle-Calédonie. Les idées qu'il avait émises chez Crozat sur la conscience et celles qu'il avait expliquées à Phyllis à propos du remords étaient toujours les siennes. Mais enfin, il n'en était pas moins certain que ces deux morts et ce condamné pesaient d'un poids terriblement lourd sur lui, effrayant, étouffant comme les fialtes du cauchemar. Ce n'était ni de son éducation ni de son milieu d'avoir ses cadavres derrière soi et devant cette victime. Mais où ses idées d'autrefois avaient été bouleversées depuis que ses morts avaient saisi sa vie, c'était dans sa confiance en sa force. L'homme fort qu'il s'était cru, celui qui marche droit à son but, sans souci de rien ni de personne, ne regardant que devant soi et jamais derrière, maître de son esprit comme de son cœur et de son bras, n'était pas du tout celui qu'avait révélé la réalité. Faible au contraire, il avait été dans l'action, et plus faible encore après. Et ce n'était pas seulement une humiliation dans le présent qu'il éprouvait à reconnaître cette faiblesse, c'était aussi une inquiétude pour l'avenir, car s'il n'avait pas cette force qu'il s'était attribuée avant d'en avoir éprouvé la puissance, il devait, si ses croyances étaient vraies, succomber un jour avec les faibles. Évidemment, s'il avait été tout à fait fort, il n'aurait pas compliqué sa vie d'un amour. Les forts vont seuls, parce qu'ils n'ont besoin de personne. Et lui, il avait besoin d'une femme, si grand besoin que c'était par elle seule, près d'elle, quand il la regardait, quand il l'écoutait, qu'il éprouvait un peu de calme. Pour cela, était-il donc faible et lâche? Non, peut-être, mais simplement humain. Chapitre 2. Précisément parce qu'il éprouvait du calme auprès de Phyllis, Saniel eût voulu qu'elle ne le quittât point. Mais si heureuse qu'elle fût dans sa douleur de voir qu'au lieu de s'éloigner d'elle, ce qu'un autre moins généreux eût fait peut-être, il cherchait à s'en rapprocher chaque jour davantage, elle ne pouvait pas abandonner ses leçons et son travail qui étaient leur vie même pour donner tout son temps à son amour, pas plus qu'elle ne pouvait laisser toujours seule sa mère accablée de chagrin qui jamais autant que maintenant n'avait eu besoin d'être relevée et soutenue. Elle ne passait pas un jour sans venir le voir, mais malgré l'envie qu'elle en avait, elle ne pouvait pas rester avec lui aussi longtemps qu'elle aurait voulu et que lui-même demandait. Quand elle se levait pour partir et qu'il la retenait, elle ne partait point, mais ce n'était jamais que quelques minutes de gagnée. Elles étaient courtes, et bientôt arrivait l'heure où, après s'y être reprise 10 fois, il fallait qu'elle le quittât. En tout temps, ces séparations avaient été pour elle des désespoirs dont l'appréhension, dès le moment de l'arrivée, la paralysait. Mais maintenant, elles lui étaient plus cruelles encore. Autrefois, quand elle le quittait, elle le voyait bien souvent déjà plongé dans son travail avant qu'elle eût tiré la porte. Maintenant, au contraire, il la conduisait dans le vestibule, la retenait, ne la laissait descendre l'escalier que quand elle s'était arrachée à son étreinte, après qu'elle lui avait promis et répété de venir le lendemain de bonne heure et de rester plus longtemps avec lui. Autrefois aussi, elle était tranquille lorsqu'elle s'éloignait, n'ayant pas à se préoccuper de sa santé, ni à se demander comment elle le retrouverait, solide et vaillant comme à l'ordinaire, aussi sain de corps que d'esprit, cela était certain. Au contraire, maintenant elle avait l'inquiétude de chercher à prévoir, chaque fois qu'elle arrivait, comment il serait. La tristesse, la mélancolie, l'abattement persisteraient-ils encore ce jour-là? Son amaigrissement, sa pâleur, auraient-ils augmenté? C'était son souci, son angoisse de tâcher de deviner les causes des changements qui s'étaient faits en lui et qui se traduisaient si manifestement en tout, dans ses sentiments comme dans sa personne. N'était-ce pas extraordinaire, vraiment, qu'il fût plus sombre ou plus inquiet, maintenant que sa vie était assurée, qu'au temps si dur où elle était menacée sans qu'il sût jamais ce que serait son lendemain? La position que son ambition poursuivait, il l'avait conquise. L'argent nécessaire à ses besoins, il le gagnait. Ses expériences avaient donné des résultats plus beaux que ceux qu'il pouvait espérer, il en convenait lui-même. Les études qu'il venait de publier sur ses expériences étaient vivement discutées, louées par les uns, contestées par les autres. Il semblait qu'il eût atteint son but, et il était chagrin, mécontent, malheureux, plus tourmenté qu'alors qu'il s'épuisait en efforts sans autre soutien que sa volonté. Enfin, quand effrayée de le voir ainsi, elle l'interrogeait sur ce qu'il éprouvait, il se fâchait et lui répondait brutalement. « Malade? Pourquoi veux-tu que je sois malade? Ne suis-je pas plus en état que personne de savoir ce que j'ai? Je me suis surmené, voilà tout. » Et comme ma vie de privation ne me permettait pas de réparer mes forces, je suis arrivée à l'anémie. Ce n'est pas bien grave, il me semble. Il est étrange vraiment que tu ailles chercher des explications extraordinaires à ce qui est naturel et en quelque sorte obligé. Compte les dents des polytechniciens et regarde leurs cheveux après leurs examens. Tu me diras ce que tu en penses. Pourquoi veux-tu qu'il en soit autrement de moi? On ne se dépense pas impunément, ce serait trop beau. Tout se paye en ce monde. Il n'y a que les bourgeois qui gagnent leur fortune en tapant des cartes ou des dominos sur des tables de café et en faisant rouler des billes de billard, ce qui leur permet d'être aimables et bien entripaillés. Elle devait croire qu'il avait raison et voyait clair dans son état. Pourtant, elle ne pouvait pas ne pas se tourmenter. Elle ne connaissait rien à la médecine, ne savait pas ce que c'était que le surmenage et l'anémie qui en résultait. Cependant, elle trouvait que cette anémie ne suffisait pas pour tout expliquer, pas plus ses brusqueries d'humeur et ses accès de colère à propos de rien que ses élans de tendresse, ses défaillances et ses abattements, ses préoccupations et ses absences. Par cela même qu'elle l'observait de près, elle avait très bien remarqué l'effet qu'elle produisait sur lui et comment par sa seule présence elle égayait cette humeur sombre et relevait cet accablement à la seule condition de ne pas lui adresser des questions maladroites sur certains sujets qu'elle n'était pas encore arrivée à déterminer, mais qu'elle espérait bien éviter. Aussi aurait-elle voulu ne pas le quitter, et s'ingéniait-elle à faire naître des occasions qui lui permissent de venir le voir jusqu'à deux fois par jour, le matin en allant à ses leçons, l'après-midi ou le soir, sous un prétexte quelconque. Il se montrait si heureux lorsqu'elle lui faisait une de ses surprises. Un soir, tard, elle sonna à sa porte, d'une main que la joie rendait nerveuse. « Je viens pour jusqu'à demain, » dit-elle d'une voix triomphante. Elle s'attendait à ce qu'il allait répondre à sa joie par une étreinte de bonheur. Il n'en fut rien. « Est-ce que tu as à sortir ?»« Pas du tout. Ce n'est pas à moi que je pense, c'est à ta mère. » Crois-tu donc que je l'aurais laissé seule dans l'état de faiblesse nerveuse et morale qui est le sien maintenant, ayant peur de tout? Il nous est arrivé une cousine de la province qui va coucher dans mon lit, et j'en ai profité bien vite pour dire que je resterais à la pension. Et me voilà. Malgré l'envie qu'il en avait eue plus d'une fois, jamais il n'avait osé demander qu'elle lui donnât une nuit. Le jour, il ne se trahissait que par son humeur chagrine ou fantasque. Mais la nuit, avec le sommeil halluciné qui était le sien, ne se trahirait-il pas par quelques paroles graves qui lui échapperaient? Cependant, puisqu'elle était venue, il y avait impossibilité à la renvoyer. Il ne le pouvait ni pour elle, ni pour lui. Quel prétexte trouver pour dire « Va-t'en, je ne veux pas de toi ». Justement, il la voulait. Il voulait la regarder, l'écouter, entendre sa voix qui berçait et engourdissait ses angoisses, la sentir près de lui, rien que pour la voir là et n'être pas face à face avec ses pensées. À la dérobée, elle l'examinait, se demandant la cause de ce singulier accueil, debout dans le cabinet où elle était entrée à sa suite, n'osant se débarrasser de son chapeau. Comment son arrivée produisait-elle un effet si différent de celui sur lequel elle comptait en accourant, heureuse et légère? « Tu ne retires pas ton chapeau ?» dit-il. « Je me demandais si tu n'avais pas à travailler. »« Pourquoi te demandais-tu cela ? De peur de te déranger ? Quelle rage as-tu de te demander toujours quelque chose ? » s'écria-t-il violemment. « Que cherches-tu en moi ? Qui t'étonne ? Pourquoi me dérangerais-tu ? En quoi ? Voyons, parle une bonne fois, explique-toi. » Le temps était loin où ces explosions la stupéfiaient, mais elle la peinait toujours. Et chaque fois qu'elles éclataient, davantage. Comme il était irritable, inquiet, mais elle ne laissait plus voir sa peine et sa surprise. « J'ai encore été maladroite à m'expliquer, » dit-elle. « Que veux-tu ? Je suis ainsi, pardonne-moi. » Ce seul mot, « pardonne-moi », était pour lui plus cruel que tous les reproches, car il savait bien qu'il n'avait rien à lui pardonner, puisqu'elle était la victime et qu'il était, lui, le coupable. Ne serait-il donc jamais maître de ses emportements, aussi imprudents qu'injustes? Il la prit dans son bras en la faisant asseoir près de lui. « C'est à toi de pardonner. » Autant il avait été brutal, autant il se fit tendre et caressant. Il était fou de s'imaginer qu'elle pouvait avoir des soupçons, et le plus sûr moyen d'en faire naître était précisément de montrer de la peur qu'elle en eut. Se trahir par ses maladresses était aussi grave que de laisser échapper une plainte ou un aveu pendant son sommeil. D'ailleurs, pour cette nuit, il avait trouvé un moyen, qui en réalité n'était guère difficile, de ne pas s'exposer à parler en dormant. C'était de ne pas dormir. Quand le sommeil le prendrait, il ferait en sorte de se tenir éveillé. Après avoir passé tant de nuits sans fermer les yeux, il les tiendrait bien ouverts cette nuit tout entière, sans doute. Mais il se trompait. Quand il entendit la respiration calme et régulière de Phyllis, et que sur son épaule où elle avait appuyé sa tête, il sentit la douce chaleur qui se dégageait d'elle le pénétrer dans l'immobilité qu'il s'était imposée, sans s'en apercevoir, se croyant loin du sommeil et bien convaincu dès lors qu'il n'avait aucun effort à faire pour n'y pas succomber, tout à coup il s'endormit. Quand il s'éveilla, un rayon de soleil pâle emplissait un des coins de la chambre. Accoudé sur le traversin, Phyllis le regardait. Il fit un brusque mouvement et se jeta en arrière. « Qu'est-ce qu'il y a ? » s'écria-t-il. « Qu'ai-je dit ? » Instantanément, son visage pâlit, ses lèvres frémirent. Il sentit son cœur battre tumultueusement et sa gorge serrée par une constriction douloureuse. « Mais il n'y a rien ! répondit-elle en le regardant tendrement. « Tu n'as rien dit. » Au fait, pourquoi aurait-il parlé? Il n'y avait pas de raison pour cela, si ce n'est sa peur même de se trahir. Dans ses sommeils troublés, sous l'effroi de ses hallucinations, il avait pu gémir, crier, parler. Mais il ne savait pas si réellement il avait jamais crié ou parlé. Personne ne s'étant jamais trouvé près de lui pour l'observer et l'entendre. D'ailleurs, ce n'était pas d'un de ces sommeils agités qu'il venait de s'éveiller. Au moins, rien en lui ne révélait qu'il eût été agité. Malgré son trouble et sa frayeur, ses réflexions s'étaient faites instantanément dans son esprit et son visage s'était détendu. Quelle heure est-il? Bientôt 6 heures. 6 heures? N'entends-tu pas les voitures rouler dans la rue? Les pierres aux piailles. Il devait être à peu près 1 heure lorsque ses yeux s'étaient clos. Il avait donc dormi 5 heures, et d'un sommeil profond, complet, celui qu'il avait si longtemps poursuivi sans l'obtenir, le baume des âmes affligées, le bain du travail douloureux. Et il sortait de ce bain calme, reposé, rajeuni, le corps dispos, l'esprit tranquille, en tout l'homme qu'il était autrefois, en ces années de jeunesse heureuse, et non celui de ces derniers temps effroyablement durs. Un soupir gonfla sa poitrine libre. « Ah, si je t'avais toujours » murmura-t-il, s'adressant ses paroles à lui-même autant qu'à elle. Et il attacha sur elle un long regard dans lequel brillait un sourire ému. Puis, lui passant un bras autour des épaules, il l'attira contre lui. « Chère petite femme !» Jamais elle n'avait senti une tendresse si profonde, si vibrante dans sa voix. Jamais elle n'avait pu, comme en entendant ces 3 mots, mesurer la grandeur de l'amour qu'elle lui inspirait. Et même il semblait que c'était comme la déclaration d'un amour nouveau. La serrant passionnément, il répétait « Chère petite femme !» Éperdue, elle ne répondait rien, anéantie dans son bonheur. Tout à coup, il l'écarta doucement et la regardant avec son même sourire. « Ce mot ne te dit rien ?»« Il me dit que tu m'aimes. »« Et c'est tout ?»« Que puis-je souhaiter de plus ?»« Tu le dis ? Je le sens. Tu me donnes la plus grande joie que je puisse rêver. »« Elle te suffit ?»« Elle me suffirait, si elle ne devait pas être interrompue. Mais c'est là le malheur de notre vie que nous devions nous séparer au moment où les liens qui nous unissent sont le plus fortement tendus. »« Pourquoi nous séparer ?»« Hélas, et maman, et la vie ?» Si tu ne quittais pas ta mère, si tu n'avais plus à prendre souci de ta vie. Elle le regarda sans oser l'interroger, ne trahissant la marche de sa pensée que par un frémissement que malgré ses efforts, elle ne parvenait pas à comprimer. J'entends, si tu devenais ma femme. Oh mon bien-aimé, ne le veux-tu point? Elle se jeta dans ses bras, défaillante, mais après un court instant, elle se redressa. Hélas, murmura-t-elle. « C'est impossible. »« Pourquoi impossible ?»« Ne me le demande pas. Ne m'oblige pas à le dire. »« Mais au contraire, je veux que tu me le dises. » Elle détourna la tête et d'une voix à peine perceptible, dans un souffle étouffé. « Mon frère, c'est beaucoup pour ton frère que je veux ce mariage. » Puis tout de suite, se reprenant, « Me crois-tu homme à subir les sots préjugés du monde ?» Chapitre 3. Saniel n'avait pas attendu ce jour pour reconnaître l'influence salutaire que Phyllis, par sa seule présence, exerçait sur lui. Cependant, l'idée de la prendre pour femme ne s'était jamais imposée à son esprit. Il était si peu fait, croyait-il, pour le mariage. Il se sentait si peu mari. Jusqu'à ces derniers temps, il avait eu si peu besoin d'un intérieur. C'était tout à coup que cette idée lui était venue. Elle avait frappé fortement, au moins autant par le calme qu'il sentait en lui que par le charme qui se dégageait d'elle, la santé, le bonheur, la gaieté et la vie. « Ah, si je t'avais toujours !» Ce mot qui lui avait échappé caractérisait la situation, ce qui lui manquait et ce qu'il espérait. Ce n'était pas seulement le calme corporel qu'elle lui donnait par une affinité mystérieuse à laquelle sa médecine n'entendait rien, mais dont il ne sentait pas moins toute la force. C'était encore le calme moral. Il avait des devoirs envers elle, et terriblement lourds, envers sa mère, envers Florentin. Pour celui-là, il avait fait ce qu'il pouvait, et même plus qu'il ne pouvait, devenant tout à coup solliciteur, assiégeant les gens, importun, osant tout pour adoucir son sort et empêcher son embarquement, ce à quoi jusqu'à présent il était parvenu en attendant mieux. Mais ce n'était vraiment pas là tout ce qu'il leur devait. Florentin n'en était pas moins emprisonné avec des misérables. Madame Cormier, tombée dans un morne désespoir, s'affaiblissait chaque jour, et Phyllis, malgré son ressort et sa vaillance, se courbait, écrasée, sous le poids de l'injuste fatalité. Combien la situation changeait s'il l'épousait, et pour eux, et pour lui. Quel soulagement! De là son cri, « C'est beaucoup pour ton frère que je veux ce mariage. » Au moins il aurait fait le possible pour racheter, dans la mesure des moyens humains, ce qu'il avait été impuissant à empêcher. Quand Phyllis fut un peu remise de son trouble de joie, elle l'interrogea. Quand s'était-il décidé à ce mariage? Il ne voulut pas mentir et répondit que c'était à l'instant que la pensée lui en était venue, assez précise, assez forte pour donner un corps aux idées qui, depuis plusieurs mois, flottaient en lui vaguement. Au moins, as-tu bien réfléchi? Demanda-t-elle craintivement. N'as-tu pas cédé à un entraînement d'amour? Valait-il mieux céder à un calcul longuement raisonné? Je t'épouse parce que je t'aime, et aussi parce que je suis certain que sans toi je ne peux pas être heureux. Franchement, je reconnais que j'ai besoin de toi, de ta tendresse, de ton amour, de ta force de caractère, de ton égalité d'humeur, de ta foi invincible dans l'espérance qui, pour moi, telle que je suis organisée, valent la plus belle dot. C'est que justement je n'ai pas la moindre dot à t'apporter. Je pouvais bien, quand tu étais aux abois, désespérée et écrasée, demander à devenir la femme du pauvre médecin de village que tu allais être. Mais aujourd'hui, dans ta position, et surtout dans celle que tu occuperas avant peu, la pauvre petite Phyllis est-elle digne de toi? Tu me fais aujourd'hui la plus grande joie que je peux goûter, celle à laquelle je ne rêvais qu'en me disant que ce serait folie d'en espérer la réalisation. Mais justement, cela me donne la force de te demander de réfléchir et de voir si tu ne regretteras jamais ce moment d'entraînement qui me rend si heureuse. J'ai réfléchi, et ce que tu me dis en ce moment prouve, mieux que tout, que je ne me suis pas trompée. C'est une femme qui m'aime que je veux, et tu es cette femme-là. Plus que je ne peux le dire en ce moment, étourdie par le bonheur, mais pas plus que je ne te le prouverai dans la continuité de notre amour. D'ailleurs, chère petite, ne te fais pas d'illusions sur les splendeurs de cette position dont tu parles. Il est plus que probable qu'elles ne se réaliseront jamais, car je ne suis pas un homme d'argent, et je ne ferai rien pour en gagner, à moins qu'il ne vienne tout seul. Il viendra. Ce n'est pas le but que je poursuivrai. Celui que je voulais, je l'ai en grande partie obtenu. Si maintenant je gagnais de l'argent et me créais une riche clientèle, la jalousie de mes confrères me ferait manquer ou attendre trop longtemps ce que je veux encore et ce que mon ambition préfère à la fortune. Pour le moment, cette position sera donc modeste. Mes 4 000 francs de traitement d'agrégé, ce que je gagnerai au bureau central en attendant que je sois en titre médecin d'hôpital, et en plus 500 francs par mois que mon éditeur me propose pour des travaux et une revue de bactériologie, nous donnerons environ 12 000 francs. Et il est à croire que pendant assez longtemps, nous devrons nous contenter de cela. Pour moi, c'est la fortune. Pour moi aussi, mais je n'ai pas moins tenu à t'avertir. Pour quand veux-tu notre mariage? Tout de suite, aussitôt après les délais exigés par la loi. Et aussi après que je me serai installée dans un nouvel appartement, car tu ne peux pas entrer, ma femme, dans celui-ci, où on t'a vu venir si souvent. Cela te blesserait de passer devant le concierge, et me gênerait d'y passer avec toi. J'espère que je trouverai facilement, et que tu voudras bien, je le pense, n'être pas plus exigeante que moi. Oh, chère! D'ailleurs, nous ne ferons pas cette fois la folie de nous mettre à la discrétion des tapissiers. La première a coûté assez cher. Et il dit ces derniers mots avec une énergie farouche, mais tout de suite il continua. « Que nous faut-il d'ailleurs? Un salon pour les clients, s'il en vient. un cabinet pour moi, une pièce qui me servira de laboratoire, une chambre pour nous, une pour ta mère. Tu veux... Mais sans doute, croyais-tu donc que je te demanderais de te séparer d'elle ? Elle lui prit la main et la lui baisant avec un élan passionné. Oh, le plus cher, le plus généreux des hommes ! Ne parlons pas de cela, dit-il avec une gêne évidente. Dans l'état de prostration morale où est ta mère, ce serait la tuer que de la laisser seule. Le médecin ne le permettrait pas. Elle a besoin de toi, la pauvre femme, et je te promets de t'aider à adoucir sa douleur. Précisément parce qu'elle n'a pas ta force de résistance, nous devrons nous occuper d'elle beaucoup. Nous lui organiserons un intérieur pour lui plaire, où elle ne soit pas tristement. Et bien que je n'aie pas une nature très tendre, je tâcherai de lui remplacer celui dont elle est séparée. Ce sera du bonheur pour elle si elle te voit heureuse. Longuement, il s'étendit sur ce qu'il voulait, éprouvant un sentiment de satisfaction à parler de ce qu'il ferait pour Madame Cormier, en qui, en ce moment, il voyait bien plus la mère de Florentin que celle de Phyllis. « Crois-tu que nous lui ferons oublier ?» disait-il de temps en temps. « Oublier, non. Ni elle ni moi n'oublierons jamais. Mais enfin, il est certain que notre chagrin se noiera dans notre bonheur. Et ce bonheur, nous te le devrons. Oh, comme tu seras adoré, respecté, béni !» Adoré, respecté. Tout bas, il se répétait ces paroles. On pouvait donc être heureux à faire des heureux. Il avait eu si peu l'occasion jusqu'à ce jour de s'occuper des autres, que c'était là en quelque sorte la révélation d'un sentiment qu'il s'étonnait d'éprouver, mais qui, pour être nouveau, n'en était que plus doux pour lui. Il voulut se donner la satisfaction d'en goûter toute la douceur. « Où vas-tu ce matin ? » demanda-t-il. « Je retourne à la pension, faire travailler mes élèves qui font leur composition pour les prix. C'est cette circonstance qui m'a fourni un prétexte à donner pour y coucher. Il faut des beaux sous-verts pour emporter chez les parents aux vacances. Eh bien, pendant que tu seras à ta pension ce matin même, j'irai chez ta mère. Le procédé de demande en mariage que nous venons d'employer est peut-être original et conforme aux lois de la nature, si la nature admet le mariage, ce que j'ignore. Mais il ne l'est certainement pas à celle du monde. Et maintenant, il convient que j'adresse cette demande à ta mère. Quelle joie tu vas lui faire ! Je l'espère bien. C'est égal, je voudrais être là pour jouir de son bonheur. Imagine-toi que maman a la manie du mariage. Elle passe son temps à marier les gens qu'elle connaît ou même qu'elle ne connaît pas. Elle ne lit de roman que pour le mariage de la fin, heureuse s'il a lieu, désespérée s'il manque. Elle était convaincue, la pauvre femme, comme moi d'ailleurs, que je mourrais dans la peau jaunie d'une vieille fille. Enfin, ce soir elle aura le bonheur de m'annoncer ta visite et ta demande. Pour cette visite, ne la fais qu'après-midi, n'est-ce pas ? Parce qu'à ce moment, notre cousine sera partie. » Saniel employa sa matinée à chercher l'appartement qu'il voulait, et comme il n'avait pas d'autres exigences que celles d'une distribution appropriée à ses besoins, il en trouva un dans une rue déserte du quartier des Invalides qu'il arrêta. Peut-être ce quartier n'était-il guère à portée de la clientèle, mais aurait-il jamais de la clientèle ? En tout cas, s'il lui en arrivait une, ce ne serait plus celle d'Auvergne, et celle-là pourrait venir le chercher aux Invalides. Ce fut vers 1 heure qu'il monta au Batignolles, où il trouva Madame Cormier en train de mettre de l'ordre dans son petit logement après le départ de la cousine. Comme toujours, lorsqu'il venait, elle lui jeta en le voyant entrer un regard de curiosité anxieuse dont il ne connaissait que trop la signification. Qu'avait-on obtenu pour Florentin ? Ne partirait-il pas ? Ce n'est pas de lui que j'ai à vous parler aujourd'hui, dit-il sans prononcer de nom, ce qui était inutile. Le visage de Madame Cormier exprima une déception douloureuse. C'est de Mademoiselle Phyllis. Est-ce que vous la trouvez malade ? S'écria Madame Cormier qui n'admettait que des malheurs. Pas du tout. C'est dès les 2 mois. Ne vous inquiétez pas. J'espère que ce que j'ai à vous dire ne sera pas une cause de chagrin pour vous. Il faut me pardonner si je vois partout des sujets de crainte. Nous avons été si effroyablement éprouvés, si injustement. Il lui coupa la parole, car ses plaintes n'étaient pas pour lui plaire. Depuis longtemps, dit-il vivement, Mademoiselle Phyllis m'a inspiré un profond sentiment d'estime et de tendresse. Je n'ai pas pu la voir si courageuse, si vaillante dans l'adversité, si décidée dans la vie, si bonne avec vous, si charmante en tout, sans l'aimer, et je viens vous demander de me la donner pour femme. » Au premier mot de Saniel, les mains de Madame Cormier avaient été agitées d'un tremblement qui avait été en augmentant. « Est-ce possible ? » murmura-t-elle en fondant en larmes. « À ma fille un si grand bonheur ? À nous un tel honneur ? À nous ? À nous ? Je l'aime. Pardonnez-moi si l'émotion m'emporte au-delà des convenances, mais je perds la tête. Nous sommes si malheureuses que notre âme est faible contre la joie. Je ne devrais pas parler ainsi, peut-être, mais d'autre part, il me semble que je serais indigne du bonheur que vous nous apportez si je ne vous répondais pas franchement. Peut-être aussi devrais-je cacher les sentiments de ma fille. Mais pour la même raison, je ne peux pas ne pas vous dire que cette estime, que cette tendresse dont vous parlez, elle les partage. Il y a longtemps que je l'ai devinée, bien qu'elle ne me l'ait jamais avouée. Votre demande ne peut donc être accueillie qu'avec bonheur par la mère comme par la fille. » Cela avait été dit à mots entrecoupés, jetés évidemment par un cœur débordant. Mais tout à coup son visage s'attrista. « Je viens de vous parler, reprit-elle, dans la sincérité de mon âme, emportée dans un élan de joie que je ne croyais pas pouvoir éprouver encore. Mais la réflexion doit nous faire revenir en arrière. Vous êtes jeune, je ne le suis plus, et mon âge me fait un devoir de ne pas céder à l'entraînement. Nous sommes des malheureux, vous le savez mieux que personne, des parias écrasés. Vous, vous êtes un heureux de ce monde. Bientôt vous serez un riche, un glorieux. Est-il sage que vous embarrassiez votre vie d'une femme qui est dans la position de ma fille ? » À quelques mots près, c'était la réponse de Phyllis. Il fit à la mère celle qu'il avait faite à la fille. « Ce n'est pas pour vous que je parle, » continua Madame Cormier. « Je ne me permettrai pas de vous donner des conseils. C'est en me plaçant seulement au point de vue de ma fille, au mien, sa mère, qui dois, avec l'expérience de mon âge, veiller à son avenir. Est-il certain que dans les luttes de la vie, vous n'aurez jamais à souffrir de ce mariage ? Non, parce que ma fille ne vous rendra pas heureux. De ce côté, je suis tranquille. » Mais parce que la situation que la fatalité nous a faite vous pèsera et vous entravera. Je connais ma fille, sa délicatesse, sa susceptibilité inquiète, celle des malheureux, sa fierté, celle des irréprochables. Ce serait là pour elle une blessure qui ferait succéder le malheur au bonheur, car elle ne supporterait pas le mépris. Si cela est dans la nature humaine, ce n'est pas dans la mienne, je vous en donne ma parole. Vous pensez bien que je ne demande qu'à vous croire. Je n'ai parlé ainsi que parce que je le devais. » Elle revint et d'un bond à la joie de ce mariage. C'était donc vrai qu'il y avait des hommes en ce monde assez clairvoyants pour reconnaître les qualités d'une fille pauvre et ne lui demander que ses qualités. Il expliqua comment il entendait organiser leur vie et quand elle comprit qu'elle avait sa place entre eux, elle s'écria en joignant les mains. « Oh mon Dieu qui m'avait pris mon fils, que vous êtes bon de m'en rendre un !»